Deuxième livre des Rois, chapitre 17. La douzième année d'Achaz roi de Juda, Osée fils d'Éla commença à régner à Samarie sur Israël, et il régna 9 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanésé roi des Assyriens monta contre lui, et Osée lui fut asservi, et il lui envoya des présents. Mais le roi des Assyriens découvrit une conspiration en Osée, car Osée avait envoyé des messagers vers So, roi d'Égypte, et il n'envoyait plus de présents tous les ans au roi d'Assyrie, c'est pourquoi le roi des Assyriens l'enferma, et le mit en prison. Le roi des Assyriens monta par tout le pays, et monta à Samarie, et l'assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi des Assyriens prit Samarie, et transportait les Israélites en Assyrie, et les fit habiter à Chalash, et sur Chabor fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Car il était arrivé que les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel, leur Dieu qui les avait fait monter hors du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon roi d'Égypte, et avaient révéré d'autres dieux. Et ils avaient suivi le train des nations, que l'Éternel avait chassé de devant les enfants d'Israël, et le train des rois d'Israël qu'ils avaient établi. Et les enfants d'Israël avaient fait couvertement des choses qui n'étaient point droit devant l'Éternel leur Dieu. Et s'étaient bâtis des hauts lieux par toutes leurs villes, depuis la tour des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils s'étaient dressés des statues, et plantés des bocages, sur toutes les hautes collines et sous tout arbre verdoyant. Ils avaient fait là des encensements dans tous les hauts lieux, à l'imitation des nations que l'Éternel avait chassées de devant eux, et ils avaient fait des choses méchantes pour irriter l'Éternel. Et ils avaient servi les dieux de fiente, au sujet desquels l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez point cela ». Et l'Éternel avait sommé Israël et Juda par le moyen de tous les prophètes, ayant toutes sortes de visions, en disant, « Détournez-vous de toutes vos méchantes voies, retournez, et gardez mes commandements, et mes statuts, selon toute la loi que j'ai commandée à vos pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'avaient point écouté, et ils avaient redit leurs coups, comme leurs pères avaient redit leurs coups, lesquels n'avaient point cru à l'Éternel leur Dieu. Et ils avaient dédaigné ses statuts, et son alliance, qu'il avait traité avec leur père, et ses témoignages, par lesquels il les avait sommés, et avaient marché après la vanité, et étaient devenus vains, et avaient suivi les nations qui étaient autour d'eux, touchant lesquelles l'Éternel avait commandé qu'ils ne fissent point comme elles. Ayant abandonné tous les commandements de l'Éternel leur Dieu, ils s'étaient fait des simulacres de fonte, c'est-à-dire de veaux, et avait planté des bocages, et s'était prosterné devant toute l'armée des cieux, et avait servi Baal. Ils avaient fait aussi passer leurs fils, et leurs filles par le feu, et s'étaient adonnés aux divinations, et aux enchantements, et s'étaient vendus pour faire ce qui déplaît à l'Éternel afin de l'irriter. C'est pourquoi l'Éternel fut fort irrité contre Israël, et il les rejeta, en sorte qu'il n'y eut que la seule tribu de Juda, qui resta. Et même Juda ne garda point les commandements de l'Éternel son Dieu, mais ils marchèrent dans les ordonnances qu'Israël avait établies. C'est pourquoi l'Éternel rejeta toute la race d'Israël, car il les affligea, et les livra entre les mains de ceux qui les pillaient, jusqu'à ce qu'il les eût rejetés de devant sa face. Parce qu'Israël s'était retranché de la maison de David, et avait établi roi Jéroboam fils de Nébat, car Jéroboam avait débauché Israël, afin qu'il ne suivît plus l'Éternel, et leur avait fait commettre un grand péché. C'est pourquoi les enfants d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait faits, et ils ne s'en sont point retirés. Jusqu'à ce que l'Éternel les a rejetés de devant soi, selon qu'il en avait parlé par le moyen de tous ses serviteurs les prophètes, et Israël a été transporté de dessus la terre en Assyrie, jusqu'à ce jour. Et le roi des Assyriens fit venir des gens de Babel, et de Cuth, et de Ava, et de Hamat, et de Sepharvajim, et les fit habiter dans les villes de Samarie, en la place des enfants d'Israël, et ils possédèrent la Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Or il arriva qu'au commencement qu'ils habitèrent là, ils ne révérèrent point l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions, qui les tuaient. Et on dit au roi des Assyriens, « Les nations que tu as transportées, et fait habiter dans les villes de Samarie, ne savent pas la manière de servir le Dieu du pays, c'est pourquoi il a envoyé contre eux des lions, et voilà, ces lions les tuent, parce qu'ils ne savent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Alors le roi des Assyriens commanda, en disant, « Faites aller là quelqu'un des sacrificateurs, que vous en avez transporté, qu'on aille donc, et qu'on demeure là, et qu'on enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Ainsi un des sacrificateurs, qu'on avait transporté de Samarie, vint et habita à Bethel, et il leur enseignait comment ils devaient révérer l'Éternel. Mais chaque nation fit ses dieux, et ils les mirent dans les maisons des hauts lieux, que les Samaritains avaient fait, chaque nation les mit dans ses villes où ils habitaient. Car les gens de Babel firent Sukkot-Bonot, et les gens de Kut firent Nergal, et les gens de Hamat firent Azima. Et les Aviens firent Nipchaz et Tartak, mais ceux de Sepharvajim brûlaient leurs enfants au feu à Adramélek et à Namélek, les dieux de Sepharvajim. Toutefois ils révéraient l'Éternel, et ils établirent pour sacrificateurs des hauts lieux des derniers d'entre eux, qui leur faisaient le service dans les maisons des hauts lieux. Ainsi ils révéraient l'Éternel, et en même temps ils servaient leur Dieu à la manière des nations, qu'on avait transportées hors de là. Et jusqu'à ce jour ils font selon leur première coutume, ils ne révèrent point l'Éternel, et néanmoins ils ne font ni selon leurs statuts et selon leurs ordonnances, ni selon la loi et le commandement que l'Éternel Dieu donna aux enfants de Jacob, lequel il nomma Israël, avec lesquels l'Éternel avait traité alliance, et auxquels il avait commandé, en disant, « Vous ne révérerez point d'autres dieux, et ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur sacrifierez point. Mais vous révérerez l'Éternel qui vous a fait monter hors du pays d'Égypte par une grande force, et avec un bras étendu, et vous vous prosternerez devant lui, et vous lui sacrifierez. Vous prendrez garde à faire toujours les statuts, les ordonnances, la loi, et les commandements qu'il vous a écrits, et vous ne révérerez point d'autres dieux. Vous n'oublierez donc point l'alliance que j'ai traitée avec vous, et vous ne révérerez point d'autres dieux, mais vous révérerez l'Éternel votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. » Mais ils n'écoutèrent point, et ils firent selon leur première coutume. Ainsi ces nations la révéraient l'Éternel, et servaient en même temps leurs images, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour comme leurs pères ont fait.